Salut tout le monde, on est sur Radio Montmirail, je suis Karel, je suis en compagnie de Lucas. Bonjour. Lucas est toujours chaud, c'est terrible. Appelez les secours, il faut faire quelque chose. He's on fire. Oh putain, elle va être déjà longue l'émission. Et je suis en compagnie de Sugar Bones, notamment, enfin, principalement Aliénor et Robin. Bonjour, bonjour. Salut. Et des Échos Solidaires. Salut. Salut. Avec Léna et, rappelle-moi ton prénom. Caroline. Caroline, excuse-moi. Non, tes fiches, Karel, putain, tes fiches. Bon, écoutez, merci d'être passé. okay, c'est une super émission sur Radio Montmirail. Bonne journée à tous, au revoir. Non, voilà, donc on est là pour faire une petite grosse émission. Vous remarquerez l'oxymore. C'est exact. Ouais, plus clair. 10. Bac littéraire. Au calme. Il y a 7 ans. Et donc on va commencer par Sugar Bones qui va nous présenter peut-être un petit peu leur boulot. Alors qu'est-ce que vous faites, Sugar Bones? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quels sont vos réseaux? Alors, Sugar Bones, qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, en fait, Sugar Bones, c'est ma sœur et moi, en fait. On est nés dans la musique très, très tôt, quoi. On a commencé à faire de la musique guitare-chant quand on était pitchou. Et au fur et à mesure, on a rajouté une basse, un clavier, On s'est rendu compte que c'était bien, quand même. Parce que, ouais, tout seul, juste guitare-voix, c'était sympa. Ça a duré quelques années. Puis, au bout d'un moment, quand même, on s'est dit, bon... Je sais pas à quoi ça sert une basse, mais on pourrait voir. Donc, on peut essayer de tester. On a rajouté des cuivres. Vous m'avez dit au début de l'émission, enfin juste avant l'émission, vous savez toujours pas à quoi ça sert. Non, on sait toujours pas. Non, voilà. Mais ouais. On sait que c'est stylé, donc sur scène ça rend bien, donc on le garde. Après, alors, ouais, ça, à entendre, non, voilà. J'ai pas encore de. Vraiment. Ouais, bien sûr. Le vrai bon état d'esprit, ok, ouais. D'accord. Et encore que notre bassiste, il s'est rajouté une corde, hein, quand même. Hein. Ouais. Ah oui, mais il la joue jamais, c'est juste pour la frime. C'est pour le faire. Oui, non, voilà, parce que je... On s'en fout, on lui pose pas la question, c'est juste... Oui, parce que moi, déjà, 4 cordes sur une basse, j'ai toujours trouvé qu'il y en avait 3 de trop. Donc, enfin bon, après, moi, je suis pas musicien, vous savez, ça se trouve, ils en utilisent 2 et je le sais même pas. Hein. Non, le pauvre, il va trouver qu'on exagère. Il s'appelle comment, votre bassiste? Il s'appelle Romain, si tu nous écoutes, merci. Voilà. Salut, coach, on t'aime. Ah, ils t'ont taillé un costard, t'es rhabillé pour l'hiver. Et du coup, vous étiez 2, et puis petit à petit, se sont rajoutés des gens, c'est ça qu'on s'est rajouté. Donc au fur et à mesure, on est 8. Là, maintenant, on est 8, donc c'est une grosse équipe. C'est une aventure humaine assez riche, quoi, donc c'est cool. Ce qu'on joue, nous, c'est de la funk, principalement. Et après, on habille ça avec toutes nos influences. Donc ça va du rock, ça va de la pop, ça peut passer par du jazz aussi, parce qu'on aime bien quand même le jazz. Avec des voix plutôt soul, donc vous aurez quand même toujours la sensation d'écouter aussi de la soul dans notre musique. Voilà. Enfin, je pense, hein, il me semble. Il vous semble, pardon, c'est bon. On est bon sur votre propre musique. Ok. Non, oui, parce que moi, du coup, j'ai écouté quelques-uns de vos morceaux. Et c'est vrai que c'est pas toujours que funk. Non. Notamment Lucky You, auquel je pense, par exemple, pour moi, je le classerais pas dans funk. Il y a des éléments de funk, mais je le classerais pas dans funk. Ce morceau-là, il est clairement pop, je dirais. C'est clairement. Celui-là, c'est l'exemple parfait du morceau pas funk de ce qu'on fait. Vraiment. D'ailleurs, c'est le seul qui est à ce point pas funk. Parce qu'on n'a pas mis de cuivre. On a vraiment un chant très, très pop. Donc, et puis, en plus, alors, le clip par-dessus ça qui rajoute encore du pop dans du pop, quoi. Je ne sais pas si tu l'as vu, le clip. Alors, non. Ah, bah, va voir ça. Va voir ça. Mais je n'ai pas vu le clip. Mais allez voir ça tout court. Oui. Oui, bien sûr. Allez tous voir ça. Allez bien. Si vous voulez me voir en pyjama rose en train de malmener un pauvre garçon sur une chaise, allez voir le clip de Lucky You. Voilà, donc Caroline se contient déjà plus, elle non plus. Ça va être une très très longue émission. Ça m'a échappé, pardon. Non, il n'y a pas de mal, je t'en prie. Écoute, tu veux que je te mette à côté de Lucas? Ça fera un petit groupe de parole, genre tu vois, Alcoolique Anonyme ou. Voilà. Oui, m'a reconnu. Je sais pas, la coupe rose peut-être. Ça et le fait que tu trembles, il est 14h. Non, c'est pas vrai. Ça, le mec. Et du coup, Lucky You, plutôt pop. Mais après, moi, enfin, pardon, c'est juste mon avis. Je veux pas catégoriser votre musique. Mais j'avais l'impression, c'est vrai que de temps en temps, j'ai déjà écouté de la funk dans ma vie quand même. Un peu, pas énormément. Vaut mieux parce que c'est quand même le style musical le plus stylé au monde. Voilà, alors Lucas par contre est une encyclopédie de la funk. N'exagérons rien, s'il te plaît. Bon, un petit Larousse de la funk, voilà. Mais moi j'en ai déjà un petit peu écouté. Et c'est vrai que de temps en temps je me dis, ouh là ça commence à partir, c'est très très très groovy. Et derrière ça part presque en disto sur les guitares. Et ouais, c'est. Notamment, je l'ai beaucoup ressenti, je crois, c'était dans Dig Down. Dig Down. Ah oui, Dig Down, ça c'est un mélange où. On a essayé de mélanger du groove rock avec des sons un peu électro, effectivement, sur ce morceau-là. Du vrock. Ouais, et Rock. Funk. En fait, le jeu, c'est je rajoute une consonne devant rock, c'est ça. Si le vrock et le croc existent, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais le croc, c'est le centre. D'accord. Ok, non, ok. Donc c'est Dig Down, le rock de Dig Down, c'est ça. Ouais, Dig Down, c'est vraiment le premier morceau qu'on a expérimenté dans ce style-là, quoi. Avant ça, on était vachement plus funk, on va dire classique, quoi. Et ce morceau-là, Dig Down, c'est vraiment le premier qu'on a expérimenté avec des sonorités plus électro, plus. Et puis en fait, c'est vrai que ce morceau-là, il est un peu bourrin, mais on s'est dit que quand même, il y avait quelque chose qui nous plaisait dans cette tentative, c'est de ramener un peu de son plus actuel dans ce qu'on fait, qui est quand même de la musique des années plutôt 70, des années 70, 60, quoi. Et je sais pas, on s'est dit, là, il y a un bon truc à faire, quoi. C'est une piste qu'on explore de plus en plus. D'accord, donc peut-être, à terme, ça va partir là-dessus, peut-être pas. Mais en fait, on a fait plusieurs morceaux. Il y a même un autre morceau, Sweet Mare, où il y a un moment qui passe avec des grosses guitares électriques, effectivement, avec des grosses distos, des gros sons de clavier bien lourds. C'est un univers qui nous plaît dans tous les cas, donc on essaie de s'en servir de temps en temps sur certains morceaux, quoi. D'accord, ok. Moi, ça me fait penser à un groupe qui s'appelle Rare Earth, un groupe de 65-70. Voilà, là, il vous met la race à tous. Bonjour, je connais des trucs. Non, mais c'est bande de merde. Non, mais en plus, j'en ai déjà parlé dans une LGE, il me semble. Dieu, mais en plus, il fait des auto-références. Et oui, et premier groupe de blanc signé par la Motown. Ah oui, ça, ok, c'est rare. Ok. Et signé en 68, du coup. Et ouais, c'est vraiment de la funk avec vraiment cette aspérité qu'on peut trouver par exemple chez Led Zepp ou cette sonorité très, très significative en fait, avec les grades, la disto et les claviers. Voilà, merci. Tu peux me redire comment ça s'appelle, j'ai envie de le noter. Rare Earth. La terre rare, c'est ça? Exactement. Ok. Et bah, R-A-R-E, plus loin, E-A-R-D-H. Si j'étais pas dyslexique, ça serait plus. C'est des styles qui se mélangent très bien, en fait, naturellement. Ouais. Tu mélanges. Exactement. Mélanger les sonorités dans. H-E-A-R-T-H. Non, pas le H avant, parce que Hearth, ça veut dire le. Non, mais Hearth. C'est le cœur. C'est l'âtre de la cheminée. D'accord. Autant pour moi. J'adore les lettres. Oui. C'est con que les lettres t'aiment pas, hein. Ouais. Du coup, alors, quand vous dites que ce sont des styles qui se mélangent très bien, étant donné que moi, niveau musique, je sais jouer Jeux Interdits à la gratte, c'est déjà pas mal. Je vous crois sur parole. Parce que. Si, je sais faire le thème de l'exorciste. Attendez. T'as pas parlé de Jimmy Page là, hein, quand même. En fait, c'est sûrement dû que tous ces styles de musique là, ils ont les mêmes racines. Ça vient à la base de la musique black, et après c'est dévié, ça part donc du blues, le jazz, le rock, tous ces trucs là, ça vient du même truc, la funk. Donc après, quand tu remélanges ces styles ensemble, ben en fait ça fonctionne, c'est logique, quoi, ça vient du même truc. Ouais, donc comme le ragamuffin. Alors ça, je sais pas, là j'ai pas la culture qu'il faut pour le ragamuffin. C'était juste pour voir ta tête, vraiment. Non, mais après c'est vrai que la funk, c'est un des styles qui a apporté énormément à tous les styles musicaux. Même dans le hip-hop, les trois quarts des morceaux samplés, ouais, c'est des morceaux de funk. Dans l'électro, on va retrouver des groupes comme Quan Song qui font des trucs vraiment dubstep, mais groovy à mort. Mm. Voilà, c'est la funk, c'est la base de tout. Mais je suis. C'est la vie. C'est la funk est à la musique ce que l'eau est à la vie. Ah. Voilà. Donc. Justement, oui. Comment, pardon ? Le reggae, je connais pas trop. Oui, en fait, le reggae muffin, c'est du reggae qui se chante très rapidement. Ce genre de truc que je ne saurais faire, en fait. Je pensais que c'était un gâteau. Ce que fait Busta Rhymes. Voilà. Tu vois ce que fait Busta Rhymes dans le rythme. Avec une instru beaucoup plus slow, ben c'est ça. Il y a un temps où je savais faire du Busta Rhymes. Je vais pas le refaire. Hein. Non. Non, parce que t'es blanc. Et que les blancs qui les font auditeurs du ne le savent Busta Rhymes, ça, c'est tu pas terrible. Comme ça. Bah parce que comme ça, ils le savent. Ouais, vas-y, et que quand on est blanc, on ne peut pas tout faire. Oui, voilà. Par exemple, si, porter une afro. Si, on peut faire vachement plus de trucs, techniquement. Et c'est ça qui est moche. Oui, c'est vrai, mais t'es pas obligé de le rappeler. Ah. Oh, ouais. Ça va prendre une ambiance, là. Ouais, ça prend une drôle d'ambiance. du coup, Black Power, forever. Voilà. Mets ton petit gant. On en était où? Je sais même plus, là, à force de faire des blagues racistes. On était au ragamuffin. C'est ça. T'as voulu faire du Busta Rhymes, je t'ai dit non. Je sais plus, moi j'ai C'est ça. C'est Busta Rhymes, ça m'a tout coupé, quel homme. Oh, je... Non, tu disais que t'avais pas conscience qu'on pouvait mélanger tous ces styles-là, oui, parce que tu connaissais rien et que, oui, t'étais vraiment un gros inculte, que tu... C'est un truc comme ça, non? Un gros noob. Vas-y, non, c'est pas ça. Non, mais t'as raison, je tape beaucoup, autant me rendre l'appareil, d'accord. Je vais me faire un verre de vin rouge avec Xanax, ça va aller mieux. Oui, non, en fait, vraiment, j'y connais rien en musique, donc de toute façon... Mais nous non plus. Ah, mais c'est pour ça... Non, pardon. Et du coup, oui, vous en êtes à combien, là, de EP? Je sais que vous avez sorti au moins un EP, mais peut-être y en a-t-il plus? Alors, on a sorti 3 EP. On a sorti 3 EP. Le premier en 2014 et le dernier, ben là, en décembre dernier. Donc, ça va faire un an. Il y a un an, ouais. Ça va faire un an. Et là, on est sur un album. Ah, donc, ça y est. Le premier. Ça marche super bien, ouais. Donc c'est cool. On va, dans l'idée, il y a au moins 8 nouveaux morceaux qui vont être sur cet album-là. Après, on va sûrement réinjecter quelques morceaux des anciens EP, bien choisis et sûrement un peu réenregistrés. Oui, voilà, c'est la question que j'avais posée. Ouais. Est-ce qu'il y aura un remaniement, ouais. Déjà, on a pris un peu de maturité. Nos goûts ont un petit peu évolué aussi. Et en plus de ça, on a intégré un nouveau membre dans notre équipe. Nous avons un nouveau batteur qui a un jeu à lui, et du coup, bah, c'est bien que quand même ça puisse s'entendre dans l'album, et c'est bien qu'il y ait une continuité de son dans l'album, parce que c'est très important, le son de la batterie, dans l'ensemble d'un album. Donc automatiquement, de toute façon, on va sûrement refaire ces quelques morceaux qu'on voudrait remettre dans l'album pour qu'il y ait une cohérence, quoi. D'accord, mais du coup, alors comme je disais tout à l'heure, j'ai un bac L, et moi et les chiffres, ça fait 3, 2, 7, 1, je sais pas, ça fait beaucoup. Et du coup, vous êtes combien là maintenant? Là, maintenant, on est 8 dans le groupe. Voilà. Donc, mais comme j'ai eu l'impression que vous me disiez que vous étiez 8 tout à l'heure aussi, j'ai l'impression que vous avez un nouveau batteur qui a remplacé un ancien. C'est ça qui a remplacé notre batteur. Et c'était l'info qui me manquait. Il faut savoir dans l'histoire des groupes de musique, ça change de musicien. Oui. Bah, ça, la drogue, les femmes. Voilà, tout l'argent, voilà. La célébrité. Enfin, non, ça, c'est pas notre problème encore. Ah non, ça c'est. Ça peut le devenir. L'argent, oui, bah, enfin bon. Robin, ça fait depuis tout à l'heure qu'il se frotte les narines, je pense qu'il. La musique. Pour tenir le coup, c'est le stress. Voilà. Oh, c'est joliment dit, une sinusite. Ça fait 6 mois, la sinusite. D'accord, donc vous avez un nouveau batteur. Ok. Ouais. Bah, et, après, donc, ça alors, fait. Je fais un petit récapitulatif parce que j'ai même pas demandé en fait. Vous avez donc. Romain, tu es guitariste et chanteur. Ouais, c'est ça. Aliénor, tu es chanteuse. Oui, mais je fais du tambourin, c'est important le tambourin. Tu es chanteuse tambourinaire. Quand même, tambourinaire. Après, on a. C'est toi qui le dis, je m'implique pas là-dedans, t'es tout seul. Non, je suis chanteuse, ouais. Après, on a un bassiste. Ouais. Le fameux bassiste. Sans lequel le groupe ne marche pas. Le fameux coach. Voilà. Exactement, coach. Très bien, exactement. On a un batteur, donc le nouveau batteur, Jérém. On a un saxo-percussionniste, Antoine. Est-ce qu'il fait les deux en même temps? Eh ben, parfois, oui, figure-toi. Non, c'est pas vrai. Mais il garde le saxo quand même sur alors, lui. Alors, je suis très crédible. Il garde le saxo sur lui. Non, je fais pas les deux, c'est pas possible. Physiquement, c'est compliqué. Ensuite, on a qui? On a Cyril à la trompette. Cyril à la trompette, Guillaume au trombone. Et on va pas oublier Martin au clavier. Martin au clavier. Donc, vous avez saxo, trompette et trombone. Ah oui, on s'est fait plaisir. Ouais. Donc, section cuivre, on est plutôt bien. Ouais. La grosse patate, quoi, tout en... Là, il manque juste un petit orchestre symphonique et puis on est bien, quoi. Ouais. Vous voulez rajouter des cordes. Maintenant, c'est vrai que 8 musiciens à vendre, c'est déjà pas simple. Du coup, 12, c'est... Ouais, parce qu'en plus, il faut trouver des scènes où il y a 8 personnes qui rentrent. Et ouais, voilà. Plus c'est une ça. Batterie. Effectivement, c'est clair qu'en plus, aujourd'hui, quand tu sais un peu comment ça se passe, l'industrie de la musique, c'est vrai que c'est pas simple de se vendre à 8. Puis, on va pas se mentir, jouer au cri de la mouette à 8... Voilà. Bon, on a déjà essayé. On a jamais fait, encore. Alors, accordez vos violons que vous n'avez pas. C'est-à-dire qu'on nous a proposé d'y jouer et on a envisagé, mais vraiment jusqu'au dernier moment, on s'est dit « Mais si, attends, il y a moyen, toi tu passes dans 30 cm², moi dans 20. » Et en fait, si je me fais amputer une jambe, c'est bon, ça passe. Non, parce que c'est ça qui compte, quoi. Si vous jouez dans une salle comme ça, vous faites deux fois moins d'entrée, quoi. Ouais. Ah bah ouais. Alors, parce que vous prenez déjà la moitié de la salle. Ouais, ah bah c'est clair. Bien sûr. Va falloir payer pour votre propre concert maintenant. Il y a un truc à la base, faut quand même savoir que si tu veux gagner du pognon, tu fais pas la musique. C'est pas le truc qui fait que tu gagnes de l'argent, quoi. Donc effectivement, oui. Ah, mais je pensais que c'était la coque qui faisait que t'étais tout maigre. Mais non, non. Mais en fait, non. Pardon. S'il fait tousser, laisse-le. Et donc, ouais, effectivement, à 8, c'est clair que ça simplifie pas le truc. Ouais. Par contre, par si contre, ça marche. En fait, on défend ce qu'on aime, quoi. C'est-à-dire, ouais. On monte sur scène et on kiffe être nombreux sur scène à partager ça. Non, mais de toute façon, la funk régnera sur le monde un jour ou l'autre. Donc, on l'espère, on le souhaite. Bah, c'est ce qu'on s'est dit, ouais. On attend ça, encore. Ça revient à la mode en plus. Donc, ouais, c'est vrai. Ben, je trouve qu'en même temps, ça, c'est tellement indémodable cette musique, je sais pas, que tu sois. Merci Bruno Mars. Il est cool. Hey, on sait. Ça fait 3 ans qu'on essaie de le faire. Il revient tous les jours à chaque émission, il est là en disant hey, les copains. Et on lui dit t'étais pas censé venir. Ah bah, c'est pas grave maintenant que je suis là. Non, mais ouais, après, ouais, je peux comprendre que c'est compliqué. Et puis, comme tu. Apparemment, alors, je ne connais rien, mais tu disais l'industrie de la musique, quand on connaît un peu, c'est. Pour, alors, bah, se vendre aujourd'hui, c'est très compliqué. Tu vois de plus en plus de projets naître où ils sont que deux sur scène. C'est pour une raison simple, en fait. C'est que ça coûte pas cher en cachet. Tu vends, en gros, tu vends ton projet 300 euros, tu vois, tu fais deux cachets à 150 euros. Et c'est bon, effectivement, comparé à un groupe où on est 8 avec un booker, un sondier, en gros, tu te vends minimum 1500, 1600, 1800 euros. Il n'y a pas photo, quoi. Les programmateurs, ce qui les intéresse, c'est malheureux, mais c'est beaucoup l'argent, quoi. C'est malheureux, pas... c'est en même temps aussi. Enfin, c'est malheureux, vive, voilà, c'est ça. Normal. Oui, quoi. Il faut qu'ils vivent, oui. Romain, il a les boules. Tu nous mettras l'international après, s'il te plaît. Là, oui, je peux comprendre que c'est un peu bas, c'est les nécessités fait loi, comme on dit. Voilà, c'est l'offre et la demande aussi, hein. C'est eux qui créent l'offre, et du coup, c'est aussi eux qui créent la demande, quoi. C'est pas simplement les musiques qui émergent, qui... Enfin, c'est... Comment dire ? Nous, musiciens, on crée l'offre, forcément, parce qu'on crée de la musique, ouais. Mais c'est pas nous qui sommes responsables aujourd'hui de la vendre. Donc, forcément... Je sais pas si tu vois, c'est les gens qui vendent la musique qui décident aussi de la musique qui sera la musique de nos jours, en fait. Oui, oui, et puis la musique qui passe à la radio, c'est celle qu'il faut qu'elle vende plus, c'est celle qui va remplir des salles, c'est celle qui... Il y a plein de gens qui vivent dans ce... Enfin, qui ont besoin de vivre, quoi, qui ont besoin d'avoir un salaire. Et ça brasse tellement, tellement, tellement de gens et tellement, tellement, tellement d'argent, en fait, la musique. C'est juste que, on sait... Alors, je sais pas comment dire ça, peut-être il faudra le couper au montage pour pas que je dise un truc trop... Surtout, tu le gardes, attention. Non, mais disons qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent pour la culture en général, de toute façon. Que ce soit pour le théâtre, pour le cinéma, pour la musique. Même s'il y a des domaines où il y a encore un peu plus d'argent, comme le cinéma. Mais par contre, la distribution, elle se fait de façon très étrange, quoi. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà, du coup, des moyens, vont être les premiers à bénéficier des moyens, des nouveaux moyens qui vont revenir chaque année, en fait. D'accord, mais ça, après, c'est autant pour le théâtre que pour... C'est pareil pour tout. Parce c'est pareil voilà, pour tout. Si les gens ont des repères, ils les connaissent déjà, ils c'est savent ça, que c'est cool ça. Et qu'ils vont acheter. Ça peut marcher. C'est ça. Voilà. Donc, ça arrive souvent que des subventions pour des projets émergents soient en fait données à des gens que vous connaissez depuis 10 ans. Ouais. Alors que c'est plus des projets émergents, en fait. Ouais, je vois. Alors, moi, je viens de Béziers. Ça ne nous regarde pas. J'en ai honte. Voilà, non, mais c'est vrai, il y avait un tremplin. Tous les ans, il y avait un tremplin qui s'appelait Musicado. Et c'était juste un petit tremplin où, voilà, il y avait des groupes, principalement de lycéens, qui venaient jouer. Et je crois qu'un groupe a gagné une fois. Et ils ont changé de formation très rapidement, presque à peine en fait. Ils ont dû changer deux instruments, je pense, pour pouvoir revenir sous un autre nom et regagner, sachant que... Mais non. Si, si, ouais. Ah, ils sont malins. Fumier, on aurait dit, mais... Ah putain, mais d'accord. C'est une question d'adjectif, c'est pas... Oui, c'est une question de point de vue. Ouais, voilà. Il y a des courants différents, en fait. Il y a plein de contre-courants qui mettent en valeur les musiques vivantes. Et donc, qui se disent, bah non, on va pas être que deux sur scène et mettre des samples derrière pour combler le manque de musiciens. Non, on se vend cher et nous, on en fait partie, en fait, de ce courant-là. Bah après, on n'a rien contre les gens qui font de la super musique à deux. Au contraire, on trouve ça génial. Non, c'est juste que vous faites autrement et c'est pas comme ça que vous fonctionnez. C'est oui, ça, non, mais ça s'oppose pas forcément. Non, bien sûr. Non. Voilà, ouais. Excuse-moi, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ouais, je suis désolé, mais... Moi, je déteste les gens qui vont comme ça à deux sur une scène et faire « Coucou, on va faire de la musique hein, !» Ça me fout Salut, en l'air. Salut, on va taper sur des pads en plastique pour faire de la musique. C'est inacceptable. C'est inouï. J'adore la nouvelle vibe norvégienne, scandinave, c'est génial. Tu veux que je continue là-dessus? Bah, je sais pas, bonne chance. Ouais, Je suis ton handicap, je suis l'handicap de la radio, ne l'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Toi, un de ces quatre, tu vas finir dans des fondations d'un immeuble. D'ailleurs, on va appeler Muriel de Normandie pour lui faire gagner 1500 euros tout à l'heure. Ah ouais. mais t'es complètement allumé, il y a plus rien, il y a plus un boulon qui tient dans la baraque. Il y a plus de lumière. Ah non, la lumière à tous les étages. Là, j'ai commencé à y avoir des fuites de gaz. J'ai trop écouté Skyrock. Ouais. Tu sais, mine de rien. Et dans 20 minutes, la Skyroulette. Eh, tu déconnes, mais sur Skyrock, il y a eu, l'animateur Karel. Eh ouais, je t'apprends un truc là, mon gars. Il y a eu un animateur qui portait mon prénom. Ouais, et ça, c'est stylé. Est-ce que Skyrock est une bonne radio? Non. Est-ce que. Enfin, ça est-ce, que Karel va... est-ce que Karel est un bon prénom? Je ne crois pas non plus. Non. Donc, non. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que j'ai dû faire l'orthographier des dizaines de fois dans ma vie. Clairement, c'est pas un bon prénom pour être compris. Mais Skyrock, sinon, il y a 15 ans, c'était une bonne radio, je pense. Ouais, ouais. Moi, je me souviens plus. Oui, possiblement. T'écoutais Skyrock? J'écoutais. Où on avait les blocs chez eux. Oui, les Skyblocks. Oui, ouais. Si quelqu'un retrouve le mien, je suis mort. Ouais, c'est quoi le nom de ton. CarolineDécosolidaire.skyblog.com. Fonce, vas-y, t'inquiète, tu vas trouver. Ok. Ouais. Pour en revenir. À la musique, oui, parce que c'est le plus important, Karel. Oui, à la musique, tout court. Hein, la musique. Allez, voilà. C'est pas vrai. Mais, bah alors, tiens. C'est pas, c'est pas moi, hein, c'est monsieur Skyroulette, là. Hein. Du coup, oui, non, je voulais vous demander. Du coup, vous avez prévu un album pour quand exactement? Est-ce que vous avez une date, la date en fait? La date est gardée secrète pour l'instant. C'est très important de garder secret. Mais du coup, la release partie, je pense que ça veut dire non. Si, non, peut-être. Non, on sait que là, on est en train de le composer, finir de le composer. Le temps de faire tout ce qu'il y a à faire, donc c'est chercher un distributeur, des labels. Plein de choses, avancer sur le graphisme et tout ça. On sait qu'il sortira pas avant la fin de l'été là qui arrive, 2018. Ouais, même si on faisait, si on passait notre vie à faire que ça, on n'arrivera pas à le sortir avant de toute façon. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, mais ça demande. Ça prend pas mal de temps en fait. Ah, je me rends pas du tout compte, hein, heureusement que vous me le dites. Ça prend du temps. Gros bain, ne serait-ce il qu'à composer, ne serait-ce qu'à composer, ça te prend beaucoup de temps. Et après à faire tout. Bah, surtout, surtout pour 8 quoi. Ouais, surtout pour 8 effectivement. Ouais. Bah, fallait être deux. Hein. Deux avec un launchpad avec des jingles de Motus et d'une famille en or, et t'inquiète, tu fais des trucs. Tu les sens les rageux. Mais donc en attendant, quand même, on a des dates où on va jouer sur scène. Mais où et quand? Alors, où et quand? La prochaine date à venir qui est à noter dans vos agendas, c'est le 22 décembre à Toulouse, au Taquin. Oh oui! Donc là, ça va être sympa, c'est une petite salle sympa. Rue des Amidoniers, pour ceux qui ne savent pas. Exactement. Gros passif quand même. Dans ouais, il y a plein de super groupes qui passent là-bas. Mais j'y étais hier soir pour la recette. Des copains. Entre autres. La recette, entre autres, effectivement. Mais pas que, il y a Headbangers, il y a plein de. Il y a plein de avec le trompettiste, c'est Nicolas Gardel. Gardel, c'est une brute. Ah bah oui, lui. Très certainement le meilleur. Voilà, on va vous le dire clairement, ce mec il casse des culs. Hein. Voilà. On va pas y aller par quatre chemins. Donc n'oubliez pas, le Taquin, c'est à l'angle de l'avenue de Séjourné et de la rue des Amidoniers. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ensuite, on joue le 2 février à Saint-Sulpice pour le festival Algorithme. Donc ça va être sympa aussi, c'est une petite date cool. Alors je suis nul en Géo, c'est où Saint-Sulpice exactement? C'est juste à côté. Je suis nul aussi en Géo, mais c'est pas très loin de Toulouse. Mais c'est pas au nord de Toulouse, je dis des conneries. Je sais pas si tu dis des conneries. Moi, c'est pas la première fois, je pense. Pas plus d'une demi-heure de Toulouse. Non. Ouais. Voilà. Okay. Et là, la salle et le principe est assez belle. Cool de ce festoche, puisque on résout des équations à deux inconnus en faisant de la musique. Quelle débile. Et oui, la musique, c'est alors ce jour-là, j'ai bien réfléchi. Vous m'avez dit que c'était quand? Le 2 février. Ah, je serais malade. La merde. Ah là là, zut. Ah, c'est con. C'est con. Hein, vraiment. Mais non, tu seras pas malade et tu vas te motiver pour écouter de la bonne musique. Ah, alors, non, je dois quand même préciser que pour avoir du coup écouté ce que vous faites, c'est super propre. Enfin, j'étais assez impressionné en me disant putain, mais attends, parce que cette vidéo là, elle a 8000 vues. Pourquoi que 8000 vues? Et je me souviens plus laquelle c'était. Mais du coup, c'est peut-être une bonne vidéo à mettre sur notre page. Ah bah, c'est évidemment. Une très bonne vidéo à mettre pour sur que notre les page. Gens puissent comprendre et voir et entendre. Et sentir, tu nous refais la pub, Bertha, c'est ça? c'est bon, mes isos. Ouais, c'est ça. Ouais, pardon, excusez-moi. Oh vache, c'est presque des souvenirs qui remontent là, presque. J'ai vraiment les larmes aux yeux, t'as vraiment, je me dégoûte. Et du coup, Je continue la promo. Oui, oui, mais au contraire, oui, parce que nous, le mec aussi prend la radio en otage. Tu sais, ouais, non, excuse-moi, je vais reprendre la radio. Parce que là, on était, la promo, là, on était en train de bosser, si vous voulez. Donc, j'ai pas fini. Je peux. Ouais. Bon, donc, on sera le 11 mai au festival des Bandas à Condon. Donc là, c'est une grosse, grosse scène. En fait, on va faire la première partie d'une grosse tête d'affiche qu'on ne peut pas dévoiler aujourd'hui. Pareil, c'est un secret. Donc c'est... Ouais, bah, tu fais parce que c'est une radio étudiante, on nous a dit autant énergie, oui, mais. Mais n'oubliez pas surtout de rester protégé. Exactement. Oh là là, non, mais alors celle-là, je la désavoue totalement. Ouais, elle était en train de dire des trucs plus drôles que toi, je te signale. Non, j'étais en train de dire quelque chose de très méprisant. Voilà. Ouais, elle était en train de dire oui, c'est une radio étudiante. Mais tu sais, parce machin, que nous, on n'a pas réussi à tenir les études avec Romain, on est jaloux. Etienne, tu couperas l'intervention de Sugar Bones, hein. T'enlèves tout. Tout. Donc, alors, il y a le festival Bandas à Condon. À Condon. Et on a la chance d'aller à Paris le 8 juin là, pour faire à l'entrepôt, pour commencer à faire notre promo sur Paris. Donc, c'est cool. On est content. Ouais, il y a quand même des gros trucs qui se mettent en place là. Ouais, oui, surtout avance, qu'on ouais. va se faire une petite tournée à la capitale désormais. La capitale, bien sûr. On y est déjà allé, hein. On a vu les rats des champs. Coucou. Ça va, vous êtes pas trop fait insulter? Non, ils ont été non, sympas. Ils nous ont demandé pourquoi on n'était pas venu avec nos vaches quand même. Mais... ah ouais. Mais oh, c'est Paris, c'est Paris. Est-ce que je vous dis que j'ai été parisien pendant 14 ans? Non, ça, laisse-moi te dire que ça se voit. Non, mais on va prendre deux secondes. Non, non, parce que là, ça me fatigue les parigots là, qui font t'es pas venu avec tes vaches. Alors que les trois quarts des parigots, c'est des putains de progression. C'est clair, mais c'est clair. Tu vois, les trois quarts des mecs que tu vas rencontrer en soirée qui sont cool, c'est des mecs qui viennent du sud, tu vois. Déjà, une. Allez vous faire enculer les Parisiens. Et de deux, vos petits groupes de merde à deux balles, qu'on les balait dans le cul, très peu pour moi, merci. Voilà. Ça, c'est une émission de rageux ce matin. Pas en guerre de territoire, mais tu sais, depuis qu'il écoute du Tupac. Et puis de toute façon, on bouffe des chocolatines. Voilà. Ouais. Team chocolatine. Ah. Team chocolatine. Alors, j'ai fait 3 ans de sciences du langage. Je vais pas m'impliquer là-dedans parce que de toute façon, personne n'a raison. De toute façon, t'as non, tort. Mais surtout, t'as tort. Personne n'a tort, personne n'a raison. Voilà. Tu peux pas dire ça. Tu peux. Si vous voulez, on fait un jeu très. Soit team, pain au chocolat. Et pain au chocolat, ça n'existe pas. Si vous voulez, on fait un jeu très rigolo. Allez. Allez. Un petit jeu comme ça. On va faire un petit tour de table, même pour toi, Étienne. Tu devras prendre un micro. Je suis désolé. Non, c'est bon. Moi, j'ai une perche. Ah bah voilà. Lucas te tendra sa perche. Putain, mec. Je vais vous demander. Quand vous prenez des grands couverts et un saladier, qu'il y a de la salade dedans, et que vous faites un geste avec les couverts. Comment vous appelez ça? Tu remues ou tu mélanges? Remuer, mélanger pour Caroline. Moi j'aurais dit mélanger. Ouais. Aliénor. Remuer. Remuer. Mélanger. Mélanger Léna. Lucas, je suppose que. Moi je touille. Voilà. Lucas touille. Et Etienne, qu'est-ce qu'il fait? Moi je mélange. Et il mélange. Et ben moi je fatigue. Voilà. Et ça, voilà. Je mélange. Caris. Oh putain. Ah, c'est compliqué, je vous jure que c'est pas facile tous les jours. Hein. Moi, depuis que je suis à la radio, tous les deux jours, je vois mon pied. Hein. Parce que je peux pas, j'ai un trop plein. On dirait, vous savez, comme au début de Fight Club où il va dans tous les groupes d'écoute de parole. Bah, moi, depuis Lucas, c'est pareil. Et je pleure dans les bras de l'autre. Ce film est génial. Oui, je me doute. Et donc voilà, en tout cas, linguistiquement parlant, il y a des différentes façons de parler pour tout et n'importe quoi, et d'ailleurs je fatigue. Sauf pour la chocolatine. Ouais, c'est pas pareil. D'ailleurs, il y a une très bonne. Sauf si t'appelles ça une cuque. Merci, au revoir. Et ouais. Oula, c'est quoi ce truc? Une cuque ou une cuque, ça dépend des régions. Alors, toi, tu es bien coq, c'est ça? Tu vas être super pote avec toi, du coup, là. Non? Coq, cocaïne. Ah oui, oui. Non, mais c'est pas. Enfin, je sais pas ce que tu fous dans tes pains au chocolat. Mais globalement, moi, quand j'en prends un, ça va. Hein, derrière, ça va, je suis bien. Hein, mais pas bon. C'est pas bon. On va pas se battre pour un truc qui est pas bon. C'est clair, manger des pains au raisin. Quoi. Mais c'est clair. C'est alors, attends, est-ce que c'est un pain au raisin ou une résine? Du coup, je sais plus. Mais mec. Oh le plan! Oh là là, tu me la couperas celle-là, tu me la couperas. Ah, Etienne, tu me la couperas ou je te casse les dents? Mec, de la résine. Non, mais il y a eu un blanc et en plus, même une sorte c'est d'animosité. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais genre, c'est même. Mais ne les pèle pas. Bon, alors, Sugar Bones. Fais de la radio, pas des jeux de mots. Hein. Si on essaie de mettre un peu de douceur dans cette émission, ce serait bien. Du coup, après Paris, plus de programmation sur l'agenda. Si? Sur l'agenda, toujours pas, mais ça arrive. Ça arrive. Donc on fait. On est un peu motivé, grave quoi. Mais du coup. Oui. Parce que les gens qui, admettons, ne pourraient pas vous voir avant. il n'y a pas un site, une page Facebook si, à laquelle se rattacher pour voir un petit peu les... Pour avoir son petit fixe. On est partout, on est sur l'internet, on est sur... Dans les internets. On est dans les internets. Dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Avec des vaches. C'est pas joli ce que tu fais, Romain. On a effectivement un site internet qui est très bien fait d'ailleurs, fait par notre bassiste coach, il faut le dire. Merci coach. On est sur Facebook évidemment. D'ailleurs, on va poster une petite photo avec vous. Ah bah ouais, c'est clair. Oui, carrément. Nous-mêmes, on va prendre une photo pour l'émission. Ah, Lucas pense à tout. Stylé, quoi. Quand est-ce qu'il a fait ça, le mec ? On voulait être sur Twitter, mais en fait, c'est tellement chiant. Il faut avoir un SM qui colle à GN4 et c'est tellement chiant. Mais même Instagram, alors que c'est quand même rigolo, Instagram, tu vois. Mais nous, clairement, on a dit alors, soit on trouve quelqu'un pour Twitter, soit on le fait pas parce que ça va être. Et bah, si, moi j'ai trouvé quelqu'un, Raphaël, il veut bien s'en occuper. Et ouais, donc là je le dis à la radio, Raphaël, merci, bientôt tu t'en occupes. Ça se trouve, le Raphaël en question, il avait dit ouais, juste pourquoi pas. Là, ouais, il vient de se prendre un coup de pression sans le savoir. Tu le fais ou on tabasse le mec transpire déjà, tu sais. C'est parce que c'est son taf, moi. Mais je crois pas qu'il ait compris qu'on voulait qu'il le fasse sans trop lui donner d'argent parce qu'on en a pas trop nous-mêmes. On verra. Voilà. Non, je te dis, moi, bisous Rafa. Bisous Rafa, hein. Tu penseras à nous quand tu mangeras de l'eau. Mais si, on va le payer, le pauvre. Et donc voilà. Alors on va faire un petit récapitulatif parce que du coup le site, la page Facebook, tout ça, on les mettra donc du coup en lien. Ah oui, bien sûr. Oui. Sur notre page et en description sur le lien de l'émission. Oui, bien sûr, évidemment. Amour cœur. De toute façon, c'est c'est un prérequis, c'est le minimum syndical pour nous. Ça dépend si c'est vraiment bien, tu vois, genre. Si c'est pas trop les gros pourris, on peut. Sugar Bones, en vrai, tu veux que je te dise bof. Parce que toi, tu m'avais dit. On dirait Mireille Mathieu, mais avec du dubstep. Bon, du coup, la transition que tu étais en train de faire, c'était quoi? Non, il n'y a pas de transition, je demandais juste un récapitulatif parce que tu nous as annoncé tout ton agenda, mais si tu veux, comme on t'a coupé environ 200 fois, il a duré environ 3 siècles et demi. C'est ça. Ouais. C'est de notre faute. Et du coup, alors, on reprend très rapidement. Donc, il y avait. Alors, le 22 décembre au Taquin. Ouais. Le 2 février au Festival Algorithme. J'ai. Ok. Le 11 mai au Festival des Bandas. Check. Super. Et le 8 juin à Paris, à l'Entrepôt. On a tout? Pour l'instant, on a tout. On a tout, d'accord. Bah, pour l'instant, on a tout. Écoutez, à la limite, si vous voulez nous transmettre des nouvelles dates, nous, pas de problème. Ah, mais carrément, avec plaisir. Ouais, franchement. Surtout que nous, c'est vraiment sur scène qu'on s'éclate le plus. Donc, pour quelqu'un qui veut découvrir notre musique, ça peut être sympa de le découvrir en live. Enfin, je pense. C'est quand même le mieux, de base. Ouais, nous, c'est quand on a l'occasion. Parce qu'après, c'est sûr que Jamiroquai, ça passe pas tous les... Tu vas aller voir Jamiroquai en fait, il devait pas passer le 22. Ce serait possible de négocier des entrées gratuites. Que... Ah, c'est gratuit, hein. Si tu viens nous voir le 11 mai, c'est tard et que je me lève tôt le matin. Ah, il faut le dire ça. Ah oui. Le Taquin, ce sera payant par contre, effectivement. Oui, désolé, on est entre nous. On peut discuter ce moment. Faites votre vie, franchement. Vous voulez un café, ça va? On vous dérange pas, hein? Ça serait pas mal. Mais du coup, les tarots pour le Taquin, vous êtes déjà au fait des... Alors, ce sera 8 euros l'entrée. Abordable, 1 euro par membre du groupe. Ah, c'est ça. Allez-y. Exactement. Exactement. Ça représente pas... Et puis même si t'es étudiant, normalement, t'as une réduc. Oui, je crois que c'est 6. C'est 6 euros. Et puis même si tu casses ton billet de 10, tu pourras t'acheter une bière avec ce qui est 13. Exactement. Voilà. La bière n'est qu'à 2,80€ là-bas. Alors. Et elle est pas mauvaise, j'ai goûté. Putain, mais j'y vais demain. Même s'il n'y a pas de musique, je m'en fous. C'est bon, oh là là, c'est pas grave, j'ai vendu, accepté. Ok, voilà, et du coup... L'alcoolisme. Ouais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, blablabla. Hein, Lucas? Ah ouais? T'es bien ta soirée hier soir? Ouais, nickel. Ouais. Ah, le coca, ça tabasse, hein. Le quoi? Le whisky coca, je disais. Non, moi, c'était du rhum, ça, hier soir. Ah, bah, rhum coca, écoute. Et du rosé. Cuba Libre, en ouf. Et de la liqueur de châtaigne. Tu sais, on dit souvent, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp, mais toi, c'est rouge sur multicolore, là, donc je sais même pas comment t'as survécu. Ça explique rosé sur rhum, tout déconne. Et voilà. Oh, bien joué. Allez. Pour un mec qui a dormi 3 heures, qui a encore de l'alcool dans le sang, je pense. C'est pas mal. Ouais, c'est mes respects. J'ai pris la route et je suis pas mort. Ouais. Donc j'ai envie de dire. Fais gaffe au retour, il y a les platanes qui t'en veulent. Moi, j'ai envie de dire, j'ai une petite étoile sur ma tête là. C'est plutôt pas mal. Ok. Voilà, donc ne faites pas comme lui, ne prenez pas le volant après avoir bu. Non, surtout. Non, mais attends, ça va, c'était il y a plus de 12 heures. Ça va, j'ai décuvé un peu. J'ai décuvé. T'inquiète, ça va. super bien. Non, mais je suis comme un charme. Non mais déjà quand tu te réveilles et que tu ne pues pas l'alcool de la bouche. Déjà ça c'est déjà pas mal, tu vois, c'est déjà un truc, tu te dis bon mais je vais pas trop déguster. Eh, quand même je réussis bien dans la vie, je pue pas de l'alcool, c'est déjà une victoire en soi. Il y a les matins, tu sais, où quand tu respires, ouais, c'est ça sent l'alcool et là tu te dis ça crème parce que je suis encore bourré quoi. Tu t'es dit. Moi, c'est pas une question de est-ce que je pue de l'alcool de la bouche ou quoi, c'est juste si je pose le pied au sol et que je fais un 180 dans ma tête, c'est que globalement ça va pas. Hein. Oui, mais, alors, voilà, les cuites de gendarmerie versus les cuites de tchèque. Merci. Et même que des fois, moi j'ai vomi. Oh la vache, c'est compliqué aujourd'hui. Du coup, bah merci Sugar Bones. Bah merci à vous. Et on va se laisser, on va se faire un petit intervalle musical. Oui, douceur et praline, on va écouter voilà. la musique. On va écouter la musique, du coup, on va écouter la musique de Sugar Bones. Bah merci, oh c'est très sympa. Voilà. Et vous avez une préférence? Un morceau que vous voudriez vraiment nous faire découvrir? Un morceau pas trop nul. Bah non, du coup, je peux pas. Non, attends. Proposer un morceau d'un autre groupe, alors sinon, vous n'allez jamais trouver. Est-ce que tu veux écouter un morceau funk, écoute plutôt Mr. Hyde ou un peu groupe Dirty Work? Ou Dirty Work, sinon. Dirty Work, éventuellement. Moi, Dirty Work fait consensus au sein du groupe. Ok, ouais. Dirty Donc, Work. Allez. Je suis d'accord. Okay. Ouais. Ouais, bah du coup, on s'écoute Dirty Work de Sugar Bones. C'était sorti sur lequel des trois EP? Le dernier EP. Qui s'appelle comment d'ailleurs? Oui. Justement. Dirty Work. Figurez-vous. Ça tombe plutôt bien. Ah ouais. Mais dis donc, Karel. C'est champion de l'originalité, dis donc. Mais dis donc, Karel, t'es vachement au fait de tes invités. Oui. Il s'appelle comment d'ailleurs? Dirty Works. Non, les invités. Sugar Bean ou. Ouais, un truc comme ça, ouais. Sugar Bean. Voilà, c'était Sugar Bean, mesdames et messieurs. Les os en sucre. Les os en sucre, oui. Et donc, on s'écoute ça. Allez, à tout de suite. And I don't want to be misunderstood. I'm kinda weak, but I can dig it on myself. This calm away from these madness. I am sitting on the fence, doing my best not to offend. So far, so good, but I can move. Yeah. On est de retour sur Radio Montmirail. Je suis toujours en compagnie de Lucas. Moi-même, oui, c'est oui, ça. Voilà, c'est ça. C'est toi. On t'aura entendu. Oui. Et toujours en compagnie des Éco Solidaires. Toujours là. Caroline, elle est là. Voilà, toujours là. Ouais. Toujours là. Sugar Bones nous ont malheureusement quittés trop tôt. Ils sont fait arrêter. Ils sont fait arrêter pour possession de cocaïne. Exactement. Exactement. Il se trouve qu'en fait, c'est l'arrière-petit-fils de Pablo Escobar. Exactement. Voilà. C'est ça. Je me disais qu'il avait un accent espagnol à couper au couteau. Ouais. Ouais. En tout cas, il ne faut pas oublier que vous pourrez les retrouver le 22 décembre au Taquin, à Toulouse. Ouais. Et on vous invite très chaleureusement à y aller, parce que ça a l'air énormissime. Ouais, ouais. Nous, moi, pour l'avoir écouté, c'est génial. Et en plus, le Taquin, très honnêtement, est une excellente salle. Je ne connais pas, mais je te c'est vraiment, vrai. Vraiment bien. Après, les goûts, les goûts, les couleurs, ouais, voilà, les goûts et le tout à l'égout, tout ça. Celle-là, on la coupera au montage aussi. voilà. Allez-y, c'est, à mon avis, ça va être très très très sympatoche. Et donc, Sugar Bun, c'est parti, mais est arrivé Clément. Clément. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. Raconte-nous ton parcours, Clément. Non. Qu'est-ce qui fait que t'en arrives dans une émission aussi dépravée que la nôtre? Qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Alors en fait, je vais vous le dire. Clément va faire une émission pour Radio Montmirail. Une émission que j'attends avec impatience, personnellement. Je te le dis, t'as ton premier fan. Voilà. À l'impression. Un au compteur. Un, allez, ouais. Peut-être à la fin du mois, t'en auras deux. Bah, au début, les abonnements sur YouTube, ça ressemble un peu à ça. Ouais, et après, ça augmente. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, dis-nous tout. Ça finit par monter. Ouais, donc l'idée, ce serait de préparer en fait une émission. De dialogue avec une personne qui a ou une conviction ou en tout cas un projet à défendre et de regarder finalement essayer déjà de rentrer en empathie, une empathie sincère, claire et bienveillante avec cette personne pour essayer de juste de comprendre sa position en essayant de sortir un peu de nos préjugés personnels et ensuite de voir si finalement sa position en tant que telle est vraiment... on va dire entre guillemets solide, et de voir voilà, s'il peut en sortir quelque chose de bénéfique. L'idée étant d'essayer d'avancer en groupe, quoi, tout simplement. Et sinon, pour les ignorants qui ne comprennent pas tout, ça veut dire tu vas parler avec des personnes de leurs convictions, ouais. Et essayer de comprendre où ils sont, pourquoi ils sont venus penser ça. À penser ce qu'ils pensent, tout à fait. Okay. C'est plus une émission en fait, où tu détricotes toute la pensée de quelqu'un. Ouais. Pour essayer de voir, enfin, quels sont, parce que moi, tel que je le ressens, alors je parle de ça hein, du côté plutôt politique peut-être, ouais. Peut-être mais c'est, que tu ne parleras pas forcément politique. Je pense politique. Que c'est politique et que la plupart des sujets sont politiques, même les sujets sociétaux. Et, alors, oui, enfin, pour moi, des questions comme le véganisme, par exemple, ah, oui, ça, c'est politique. Ça reste des sujets politiques, oui, alors qu'au final, c'est qu'un régime alimentaire. Mais, voilà. Oui, mais c'est de toute façon, la politique, c'est toujours une histoire de régime. Allez, sur celle-là. Hein. Non, mais je veux dire, voilà. Pour moi, j'ai l'impression qu'en politique, en final, on a tous des valeurs très profondes, ouais, auxquelles on est attaché et qu'on essaye, voilà, qu'on essaye de retranscrire dans des mouvances, des mouvements et des idées plus concrètes que les valeurs qui sont tout à fait abstraites. Est-ce que tu vas essayer peut-être de revenir, d'opérer un retour jusqu'à ces valeurs, voir les valeurs de gens, ou peut-être pas, peut-être oui, je dis des bêtises. Oui. Mais ouais. En fait, l'idée, c'est que je pense que vraiment. Je pense que entre un carniste par exemple et un végétarien, pour prendre l'exemple de Lucas, l'exemple précédemment cité, il y a vraiment pas grand chose en fait qui les sépare et qui les distingue. Et je pense que les deux peuvent très aisément se comprendre que l'un fait un effort que l'autre n'a pas envie de faire ou n'a pas le courage de faire ou juste n'a pas ne partage pas ce combat et voilà, il y a pas de et je pense que c'est pareil pour la plupart des questions sociétales qui nous séparent. Donc à partir du moment où on comprend l'autre et on comprend le point de vue de l'autre, si tant est par contre que ce point de vue soit intelligent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de points de vue qui sont idéologiques et qui sont biaisés, on va dire, dans la réalité. Donc c'est pour ça que la deuxième partie a pour vocation d'essayer de faire une scission entre ce qui, en tout cas, moi, me paraît réaliste après une petite recherche que j'aurais effectuée auparavant, et ce qui me paraît totalement de l'ordre de l'endoctrinement et des convictions qui ne sont pas vérifiables. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où on se pose sur des faits, où tout le monde peut être d'accord, ou en tout cas, on peut être d'accord sur l'essentiel, et comprendre le point de vue de l'autre sans avoir envie ou de le haïr ou de s'opposer, de le voir comme un ennemi. Ouais, donc en fait, c'est une émission qui aura pour but, en fait, de faire que les gens se foutent moins sur la gueule. Ouais, c'est l'idée, ouais. L'idée, ça serait que c'est plutôt pas mal. Les gens se comprennent, voilà. Mmh. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un dialogue où les gens se comprennent, et où, enfin, a priori, l'immense majorité des problèmes sont évacués, et on peut arriver à des choses constructives, et voilà, quoi. Ouais, j'aime bien l'idée. Bah nous aussi. Mais ouais, je pense que Caroline est vraiment, vraiment OP pour faire de la radio. Hein. Ouais, hein, elle a la fibre, elle a le... Ouais, hein, elle dirait pas non, donc du coup, bah, on a une nouvelle émission. C'est voilà. Cool. Alors je sais pas sur quoi, hein, mais Caroline, c'est bon. Là, en fait, t'as mis le doigt dans un engrenage qui va te bouffer le bras. Voilà. Et merde. Voilà. J'espère que t'avais pas prévu de réussir tes études. Non. Ouais, j'ai déjà pris dans l'engrenage des co-solidaires. Voilà. Il m'en reste un deuxième. C'est pour ça qu'on a deux bras. Bah écoute, du coup, merci Clément. Merci. Puis du coup, bah. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, j'espère. Oui. Voilà. Mais tu ne nous quittes pas, tu vas participer à cette émission. Enfin, en fait, je suis partant. J'explique, tant que l'émission tombe, t'es conseillé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu la vois, cette réplique de Watchmen avec Rorschach qui dit I'm not locked in here with you, you're locked in here with me. Bah pareil. Je vois tout à fait. Mais du coup, les échos solidaires. Ton bras qui est bloqué dans les échos solidaires. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Transition. Alors, mon petit bras, qu'est-ce qu'il fait, Léna? Parlez-nous des échos solidaires, c'est Léna et Caroline. C'est ça. Alors, Léna et Caroline au micro. mais carrément, elle veut faire de la radio, là, ça. Ouais, ça va, t'es à l'aise, hein. Moi, je suis en train de faire de l'huile, là, depuis un moment, mais tu crois que je suis à l'aise, là. Faire de l'huile, c'est une jolie expression. C'est pas joli du tout, en fait, comme expression. C'est particulier, on va dire. En fait, au début, je me suis dit, ah, faire de l'huile, ouais, pourquoi pas, c'est une jolie façon d'étourner. Puis après, j'ai compris. En fait, l'expression, c'est avec une olive, tu fais un litre d'huile. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Je l'ai mis moins trash que ce que c'est en réalité, mais je vais pas la dire à la radio. Mais de toute façon, la radio, on est très friand des olives. Oui, voilà. Et Lucas en met à tout le monde. Mais non, après, t'as remarqué que c'est pas tellement la bienséance qui nous étouffe. Non, hein. Effectivement. Oui. Voilà. Donc, les échos solidaires, qu'est-ce que c'est, madame? Qu'est-ce que c'est, mesdames? Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est, quoi, vous faites? Alors, pour commencer, Échos solidaires, c'est une association étudiante. Voilà, qui est basée sur l'université et dont le but est d'apporter, pour le dire bien comme il faut, est d'apporter une alimentation saine, équilibrée aux étudiants, après étudiants. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh ben, on a une AMAP, on fait des ateliers cuisine et on a monté un marché de producteurs sur l'université, donc où il y a des producteurs, de l'artisanat étudiant, de la musique... un coin de chill et où vous pouvez bouffer sur place de bons produits et pas cher. Alors juste une AMAP, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent? Voilà, pas, j'allais poser la question. Moi je suis complètement profane, donc je ne connais absolument rien. Moi je mange du magret avec de la viande, je mange que des trucs de gros viandards. Donc les AMAP, quand il y a des légumes, je connais pas. Ok, alors en fait une AMAP, c'est... Alors en fait, une AMAP, alors je fais partie de cette association depuis 3 ans, mais AMAP, après... c'est un peu compliqué. Non, en fait, c'est notre AMAP, comment elle fonctionne. En fait, les étudiants viennent commander le dernier mercredi du mois. Attends, je vais reprendre le truc. En fait, un AMAP, c'est un truc, quand on est fatigué, on s'allonge dessus. Non, bah écoute, c'est un canapé. Moi, je m'occupe de la com, de la trésorerie, ok, c'est Léna qui gère les projets. Alors, Léna, vas-y, c'est à toi. Donc, une AMAP, c'est quoi? C'est des paniers de producteurs, de petits producteurs. Oui, attends, je vais le tourner. Je peux le tourner un peu comme ça? Oui, on n'est plus à ça près, voilà. Je pense. Donc, c'est des paniers de petits producteurs qui vous sont livrés à fréquence régulière. Donc, pour nous, c'est une fois par semaine. Et qui sont donc en bio ou en raisonné selon les producteurs. Et donc, pour ça, il faut s'inscrire. Donc, vous inscrivez. Vous réglez votre commande et toutes les semaines, on vous apporte ces petits paniers dans des points relais. Donc nous, c'est sur l'université. Entre le foyer de la Casbah et celui de Histoire, dans le bâtiment Olympe de Gouges. Ah oui, donc en plein milieu du hall de l'Olympe de Gouges, en fait. Ouais, ça. Parce que si, comme il y en a un de chaque côté, si t'es en plein milieu, voilà. C'est ça. D'accord, ok. Donc ça, c'est votre activité principale, vraiment? les trois activités sont au même niveau. D'accord, ok. Donc, voilà. Et c'est pas ce que vous avez toujours fait, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, les paniers, enfin la map, c'est depuis le tout début. Ouais, presque. Alors en gros... Si vous savez pas, vous me répondez pas, c'est pas grave. J'ai compris ta question en même temps que j'ai répondu, donc... Ouais, mais tu sais, je suis pas née en France, c'est pour ça. Donc en gros, l'association, quand elle a été créée, n'avait pas cette fonction-là. Donc elle a été créée pour apporter un complément de formation aux éco-sociaux sur les économies alternatives. De là, ils se sont dit que ça serait sympa, parce qu'ils parlent des éco-sociaux, mais ils n'avaient pas de projet... Alors juste une seconde, qu'est-ce que c'est éco-sociaux, s'il vous plaît ? C'est la licence éco-sociaux ? C'est la licence éco-sociaux. Oui. D'accord, voilà, c'est ça, ok. Parce que éco-sociaux, du coup, je l'écrivais comme les échos, comme dans éco-solidaire, et je ne comprenais plus rien. Non, d'accord, c'est économie okay. Et sociale. Enfin, économie sociale. Voilà. Ok. Et donc, du coup, ils se sont dit que ça serait sympa, que ça aurait été sympa d'avoir aussi un projet sur le terrain. Donc, ils ont commencé à mettre en place la map, donc à contacter des petits producteurs. Et puis, bon, ça s'est vite essoufflé. Et nous, on est rentrés là un peu, au départ, un peu par hasard. Ouais. Et puis, avec, enfin, un peu par hasard, mais en même temps, avec l'idée de... De faire quelque chose de cool. Ouais, quoi. De faire quelque chose, de... De développer tout ça. C'est souvent comme ça qu'on rentre dans l'associatif, on sait pas tellement, et puis, tain, ça c'est pas mal. Ouais, j'ai atterri là-dedans parce que je voulais rester avec ma copine que je voyais plus, et puis au final ça m'a bien plu. Et... Ah, c'est, d'accord, c'est pour ça que tu sais pas ce que ça veut dire un map, en fait, t'es juste là pour ta pote. Non, je suis juste là pour ma pote, non, pas du tout. Ça me plaît vraiment, et puis... Non, mais je te taquine, hein. Ouais. Mais après, c'est ce que je disais, moi je suis arrivé à la radio en me disant, ouais, c'est plutôt cool, pourquoi pas. Il a vu la lumière, il est rentré. Ouais, c'est ça. Et il est jamais sorti. Ouais. C'est comme ça que commencent ceux qui ont la vraie vocation. Ouais. Ils sont guidés. Qui après te montrent 10 ans plus tard en disant, mais bien sûr, mais j'ai toujours voulu faire ça. Et il y a les potes à côté qui font, enfin, c'est-à-dire qu'on a fait un café, t'as dit, c'est cool, quoi. C'est, voilà, c'est pas... C'était une évidence pour moi dès que j'avais 5 ans. La vache, 21 ans d'envie de faire la radio, et je commence qu'à 24, je suis vraiment un branleur. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on apprend tout sur le tas, comme tu disais tout à l'heure, Léna. Moi, la compta, j'avais eu quelques cours. Bah, là, je suis obligée d'apprendre toute seule. Voilà. Ensuite, la com. La com, la ouais, c'est un gros, gros morceau, ça. Ouais, bah, on fait des erreurs, mais on apprend. Et là, cette année, on a enfin nos banderoles. On va avoir nos flyers la semaine prochaine. D'accord. Enfin, voilà, on apprend tout sur le tas. Léna, elle a appris à gérer une association toute seule comme une grande. Ouais. En gros. Enfin bon, pour reprendre. T'as pas l'air très confiante dans ton ouais. Hein. On le sent un peu. Non, mais pour reprendre. Que j'ai de la merde. De... Un peu, ouais. Bon, bah tout se passe bien. Pour reprendre la question de base, on est rentré dans cette association. Je vais pas y arriver. On est rentré dans cette association avec un peu l'idée utopique, donc de vouloir donc apporter notre pierre à l'édifice et un peu de pas changer le monde, mais c'était un peu l'idée de d'aider les étudiants pour commencer. Ouais, voilà. Mais c'est déjà honorable. D'aider les étudiants parce que nous-mêmes en tant qu'étudiants, ben on se rendait compte, enfin. Qu'on mangeait super mal et donc du coup on a voulu essayer d'apporter des solutions simples tirées de notre vécu où clairement bah voilà comme je l'ai dit encore on bouffait super mal et il fallait mieux manger. Oui, il fallait mieux manger. On s'en est rendu compte quand par exemple nous quand on est arrivé sur la fac la première année, c'était la fac c'est on va se le dire c'est immense, c'est grand, on est perdu, on est seul et tu sors tu habites seul chez toi dans ton premier appart, enfin pour les gens normaux. Oui. Et tu sais pas forcément faire à manger. Moi par exemple. Ouais, c'était chronique de la dépression par Caroline. Non mais. C'est non mais bien sûr que non. J'ai fini par bouffer de la sauce salade sur des biscottes pendant une semaine parce que j'ai fait de faire des courses ou de cuisiner. Voilà. Donc là. C'est vrai que c'est particulier. Je vais être honnête, même moi qui toi pas tu peur... bouffes des gruyères tout ouais, seul. Voilà, okay, ouais. Voilà. Même moi qui ai pas peur de faire des expériences, je t'avoue que la sauce salade sur biscotte. C'est délicieux. Quand t'as faim, c'est délicieux. Oui, voilà. Quand t'as faim. Je pense que quand t'as pas plus faim, c'est immonde. Quand t'as faim, tout est délicieux en fait. Je voilà. Pense. C'est et ça. Du coup, c'est... Elle a commencé à attaquer sa table de cuisine et celle-là, elle s'est dit, il faudrait que je fasse des cours. Le formica, ça reste sur l'estomac. Ça se coince entre les dents. Je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule et c'est ce qu'on s'est dit avec Léna et du coup on. On a voulu résoudre ce problème avec nos projets. Du coup, carrément, déjà un merci. de votre engagement. Et deuxièmement, c'est extrêmement rigolo parce que moi je suis un immense flemmard. Moi aussi, les premières années, je mangeais n'importe quoi. Je mange un peu moins n'importe quoi, ça fait un petit moment que je suis là. Et mais enfin, voilà. Et en fait, je vous ai vu plusieurs fois. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je m'inscrive à la map du Mirail. Ça fait un an et demi que je suis là et que je me dis, il faut que je le fasse. Et en venant dans la maison des assos, j'ai regardé toutes les portes, je me suis arrêté devant votre porte et il n'y a pas d'adresse mail pour vous contacter. Alors, et je me suis dit, mon Dieu, enfer et damnation. Et j'étais pas prévu à cette émission. Ouais. Je suis arrivé en touriste et je vous tombe dessus. C'était et du coup, je pense que vous aurez. C'est le destin. Voilà, clairement. Donc, du coup, vous avez un adhérent de plus d'ores et déjà. Si tu veux, tu peux venir. C'est quand la prochaine inscription? C'est ce mercredi? Rappelle-toi ce que je te disais sur l'engrenage, Clément. C'est mercredi. Et si tu trouves pas d'adresse, c'est parce qu'apparemment, Caron n'a pas assez bien fait son boulot. Attends, comment je pouvais savoir qu'il fallait mettre l'adresse? Attention! Comment ça se fait, dis donc? En fait, un site internet. Alors, le linge sale en direct dans l'émission. Mesdames et messieurs, préparez le popcorn. Les on arbitres. S'entend bien sinon. Hein, ouais, mais j'y crois tout à fait, bien sûr. Lâche-la maintenant, ça lui fait mal. Non, mais en tout cas, moi qui. J'adore faire à manger. Ouais, alors par contre, Lucas est un. Je suis. Cador au fourneau, là. Je suis un féru de nourriture. Étant donné que j'aime manger, j'aime faire à manger. Et c'est vrai que c'est vachement important de. Pas de savoir cuisiner, mais de savoir ne serait-ce que les bases. Les bases, parce qu'au final, en sachant faire les bases, on sait faire à manger. Mais c'est ce qu'on essaye d'apprendre avec nos ateliers cuisine, en fait. Le jour où j'ai découvert que les pâtes cuisaient vachement mieux avec de l'eau, mais ça a changé ma vie. Non, mais au-delà ça a de changé ma c'est, vie. Tu vois, par exemple, comment faire cuire des oignons, quoi. Comment bien les faire cuire, comment bien faire mijoter une sauce, c'est de la base. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, on arrive souvent à manger des sauces, à faire des plats en sauce parce que c'est mieux d'égayer ses pâtes quotidiennes avec de la sauce. Mais les pâtes tout seul, mais c'est pas compliqué à faire. C'est pas compliqué à faire, ça prend pas longtemps. Et, et quand on a deux trois petits tips, deux trois petites astuces pour savoir le faire, c'est tout con. C'est tout con, on écoute de la musique, on fait à manger, on boit du vin et puis c'est cool. Et nous, c'est ce les recettes pompettes. Ouais, c'est un peu les ateliers cuisine. Et dans quel ordre du coup? Est-ce que d'abord tu bois du vin, tu écoutes de la musique et tu fais à manger ou Oui, d'abord il boit du vin, ensuite il fait à cuisine. Et après, il met le four dans le poulet. Et tu te retrouves à écouter Gunther sur YouTube. D'accord. Non, mais souvent, oui, je bois en faisant à manger. Je mange pas pendant. Ouais. Et c'est du très coup, important. Et j'écoute de la musique. L'alcoolémie monte, non? Vu que tu as Jean. Non, parce que du coup je mange bien à midi. D'accord, ok. Donc j'ai des restes. Bon, il faut. Mais du coup voilà, c'est important de savoir faire à manger. C'est pas compliqué du tout. Donc allez-y à ces ateliers. C'est juste la base. C'est il y a une bonne ambiance, c'est bon enfant. Allez vous régaler. Ouais, c'est d'ailleurs un mercredi sur deux. Oui voilà. Et ben juste merci pour cette fabuleuse. Tu veux pas faire de la radio, Caroline? Si vous continuez à me le proposer, je vais finir par accepter. Non, mais me la dépochez pas, j'en ai besoin quand même. Hein. C'est de l'amitié ou de l'esclavage? Un peu des deux. Ah, d'accord. C'est le meilleur type d'amitié, ça y est, ouais. Pas à dire. Du coup, on va parler un petit peu agenda, programmation, tout ça. Alors, vous m'avez parlé de l'atelier cuisine, vous m'avez parlé de la map, vous m'avez parlé du marché. Est-ce qu'on peut récapituler ici? À quelle fréquence tout ça arrive? Oui, ouais. Tout à fait. Alors, par exemple, les ateliers cuisine. Alors, les ateliers cuisine, donc, ils ont lieu toutes les deux semaines, le mercredi soir. Et de 19h à 23h. Alors, c'est un peu long, mais parce que bon, le principe de l'atelier cuisine, c'est que l'association prend un panier de son AMAP, va avec les inscrits de l'atelier cuisiner chez un étudiant hôte, étudiant ou non, enfin une personne hôte, le contenu du panier. Et les plats cuisinés sont revendus le lendemain à tarif libre dans le bâtiment Olympe de Gouges, ce qui permet aux étudiants qui n'ont pas envie de manger un sandwich de bénéficier d'une assiette équilibrée pour que dalle, quoi. Et surtout, ça nous permet de faire en sorte que l'atelier soit gratuit pour tout le monde. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. C'est assez bougie parce que, par exemple... Et non, mais si les gens se demandent pourquoi ça finit à 23h, c'est parce qu'eux aussi boivent du vin. Ils sont tous bourrés. C'est vrai, la dernière fois, on a bu un bon vin, d'ailleurs. Ah, et c'est bien, hein. Ah, et t'as fait bien. C'est un petit blanc, bien fruité. Non, mais par contre, je trouve ça assez bollocks. Parce que moi, par exemple, vous voyez, dans mon appart, il y a deux plaques, c'est tout, électriques. Ouais. Et c'est à peu près tout. Alors, je reconnais que je cuisine pas beaucoup, mais c'est-à-dire que faire venir tout un atelier là-dedans, C'est chaud. Alors c'est compliqué, mais ça marche. Question logistique, ça se fait. Ça peut se faire par exemple avec des grosses marmites. Où tu dois faire des plats de légumes mijotés, etc. Tu fais tout dans ta grosse marmite, dans ton fait tout. Et tu mets tout dedans. Et tu montres tout à tout le monde. Et du coup, ça passe. Mais voilà. Toujours sur la cuisine ou sur une métaphore sexuelle? Je me suis posé la question à un moment avec le coup de la grosse marmite. Tu mets tout dans ta grosse marmite et tu montres tout. Mais il a pas tort, effectivement. Je ne me permettrai pas. Oh non, jamais. Jamais. Mais pas en parlant de cuisine. Il y a des choses sacrées dans la vie. Il faut respecter. Jamais cuisine et choses de l'amour en même temps. Mais pas à l'antenne. C'est de la nourriture, en fait. Tu sais, quand tu fais un gâteau, tu coupes le gâteau et puis t'as du chocolat qui coule. Ça s'appelle le food porn. Ok. C'est pas de la pornographie avec de la bouffe. Oui, voilà. Ou quand tu prends un burger et que t'as tout le cheese qui dégouline. Voilà. Parce que c'est une faciale fromagère. Alors je sais bien que c'est moi qui ai amorcé le glissement, mais là ça a dérapé. C'est très sain. Enfin, c'est pas ça, parce que du coup c'est tout le temps avec de la nourriture bien calorique. Mais non, mais c'est sain. Moi, je peux te faire de la food porn avec trois légumes. Biscotte avec de la sauce salade. Ça, c'est facile. C'est très facile quand même. Alors là, t'es pas allé la chercher bien loin, toi. Non, c'est un peu bas. Mais du coup, j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de sympathique. Avec une popote, une ratatouille, moi, je te fais un truc dégueulasse. Hein. Si tu veux. Merde, on est perdu là. Les ateliers cuisine, donc c'est tous les mercredis de 19h à 23h. Voilà, c'est tous les mercredis. Et donc, pour résoudre ton problème de logistique, on y a pensé. C'est pour ça qu'en plus du panier, on apporte aussi tous nos ustensiles de cuisine. Grosses marmites. En fait, on fournit tout et tu tends juste à fournir les bras, quoi. En fait. Voilà, c'est et, ça. Voilà. Et puis, ils peuvent venir. Enfin, on leur conseille de venir avec un petit truc à grignoter pour qu'on puisse faire un petit apéro tranquille. En mode auberge espagnole. Voilà, ouais. Un petit calva, un truc qui tape pas trop, tu vois. D'ailleurs, une petite astuce, je viens de goûter ça hier. Allez, alors, vas-y. Dans votre godet, vous mettez un petit fond de liqueur de châtaigne et vous finissez au rosé. Et dit comme ça fait peur. Et bien, franchement, mec, c'est super bon. Après, au bout de 3 godets. De toute façon, tu sens plus rien, on pourrait te mettre du desktop dedans, quand c'est pareil. Quand tu t'assois, tu vois, tu passes en position assise, tu le sens. Mais quand tu te relèves, c'est vraiment terrible. Voilà. Ok, et bah je retiens la prochaine fois que j'ai la liqueur de châtaigne et du rosé. Mais c'est très difficile. Peut-être en 2022, je t'envoie un message. Très difficile à trouver la liqueur de châtaigne. Ouais, je pense, ouais. Ça a des prix convenables. C'est un petit côté tradi que je pense qu'au Carouf du coin. Non, mais tu peux en trouver chez des cavistes par exemple, mais ça coûte relativement cher. Voilà. Mais dans des petites coopératives à l'extérieur de Toulouse, t'en trouveras. Ouais, voilà, pour une soirée un peu. Où on y met un peu les formes, j'arrive avec ma liqueur de châtaigne, mon rosé, je leur dis attendez. Mais alors. Criez pas tout de suite. Pas du. Alors, c'est très important. Oui, pas du rosé piscine, c'est ça? Non, pas du rosé sucré. Voilà. Rosé sec plutôt Voilà, du sec, fruité, mais pas sucré. D'accord. Eh ben, merci Maïté. Mais de rien. Et on repasse sur. Alors, nous avons fait les ateliers cuisine. Il nous reste les AMAP. Les AMAP, c'est quand? Ça se passe quand? Alors, les AMAP, c'est donc tous les mercredis dans le bâtiment Olympe de Gouges, de 16h à 20h, où vous pouvez récupérer vos paniers. Il y a des dates d'inscription qui sont sur notre page Facebook. Et notre site internet. Voilà. Et donc, voilà, vous venez vous inscrire. On mettra ça sur notre page. Voilà. Ok. Et après, vous venez récupérer vos paniers. Sur votre porte. Voilà. Et le marché, il a lieu donc tous les mardis de 11h30 à 14h30 sous la canopée dans l'allée principale de l'université. D'accord, tous les mardis. J'avais eu l'impression que j'avais l'impression que c'était tous les deux mardis. Mais Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question. Non, c'est vraiment tous les mardis. Vous allez sur la canopée tous les mardis et vous verrez bien que c'est tous les mardis. Voilà. En général, la canopée, ça se loupe pas trop. Si vous rentrez dans la fac, vous allez tout droit jusqu'à ce que vous soyez sous la canopée. Pas trop compliqué. Voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup, ça fait pas mal d'infos. Et donc, alors, la page Facebook. Vous avez une page Facebook, vous avez le site. Le site, c'est quoi l'adresse, s'il vous plaît? Alors, ça s'écrit ECHOS-6, solidaire, avec un S à la fin. Ouais. Donc S-O-L-Y-D-A. S-O-L-I-D-A-I-R-E-S. Ouais. J'aurais pu faire un concours de photographe. On dirait un truc. Point com. Voilà, C-O-M. D'accord. Et là-dessus, on peut s'inscrire pour la MAP. Donc, par non, exemple. Alors. Non, c'est moi qui dis une bêtise, c'est ouais. ça le site, c'est juste, un site, c'est juste un site vitrine, même s'il y a les moyens de nous contacter, bien sûr. Après. C'est pour expliquer en fait tous nos projets, pour, si vous n'avez pas compris, là, tout ce qu'on vient de vous expliquer à cause des conneries des deux. Eh, hey, autant Sugar Bones, ils étaient bienveillants, mais elles, elles sont là pour niquer des mères, hein, elles en ont un à foutre. Hein. Écoute, oh, elles sont là pour leur projet, pas pour ta gueule. Hein. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Waouh. Oh, traître. Je reviens, je vais me suicider. Voilà, et c'est... donc, ce site, on ne peut pas s'y inscrire. Mais alors, où est-ce qu'on peut s'inscrire? Pas solidaire, solidaire. Alors, les inscriptions, c'est en présentiel, mais après, d'accord. voilà, vous pouvez nous contacter à tout moment. Il y a tous nos coordonnées, nos numéros de téléphone, nos adresses mail, etc. Et donc, voilà, on répond dans la journée, en général, d'accord. à toutes vos questions. Donc voilà. Ok, donc du coup on va en profiter. Votre mail, c'est quoi? Là je fais vraiment le quiz de l'interro écrite. Hein. Ah putain, ça va être compliqué celle-là. Alors c'est eco.solidaire.toulouse@gmail.com. eco.solidaire.toulouse@gmail.com. D'accord. Voilà. Et ton alors... numéro de sirette, tu le connais? Ouais, mais je vais pas te le dire. Oh, allez, s'il te plaît. Je connais pas. Mais personne. Tu crois que je connais le numéro de sirette de Radio Montmirail? Et pourtant, on a galéré pour l'avoir. Hein, sinon... Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Et n'hésitez pas à passer sur le marché. Ouais, ouais bah, voilà. carrément, oui. De toute façon, c'est pas comme s'il était planqué. Il est en c'est plein ça. Milieu. Exactement. Voilà. Moi, j'aurais une question. Est-ce que c'est seulement ouvert pour les étudiants? Non, c'est ouvert d'accord. à tout le monde. Okay. Après, on s'adresse principalement aux étudiants, parce que bon, ben voilà, on est nous-mêmes étudiantes, on est dans une fac, mais sinon, c'est ouvert. Il y a des gens du quartier qui viennent, il y a des gens de l'administration de la fac. C'est trop cool. C'est pour tout le monde, même les chômeurs. Fin... T'as remarqué cette petite manie qu'elles ont de répondre les mêmes choses en même temps? On dirait les ouais. jumelles lors de Shining. Un peu, ouais. Bien joué avec les moins creepy. Je l'avais pas fait, mais c'est vrai que. En moins creepy. En moins creepy. Mais voilà, bon, après, tu sais pas, là, peut-être elles font un effort pour paraître avenante. Normal. Ouais. Après, t'as vu les bombes qu'elles nous lâchent sur la gueule, franchement. Et en fait, j'avais juste un autre petit détail par rapport aux AMAP. Et je voulais dire que c'est. Enfin, à titre personnel, je pense que c'est le système de distribution des légumes ouais. qui est le, en tout cas un des plus directs et un des meilleurs. Et ça permet vraiment de snobber la grande distribution. Ouais. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les agriculteurs français se suicident. C'est que les prix sont systématiquement revus à la baisse au niveau des tarifs auxquels ils vendent leurs légumes. Donc aux achetants, ça permet d'avoir des légumes moins chers. Et ça permet d'avoir un rapport plus sain, on va dire, d'abord à l'alimentation et ensuite avec les réseaux de distribution. Mmh. Et je pense que c'est vraiment un sacré engagement. Donc, ouais, en fait, si vous le pouvez, faites l'effort. Quoi. Carrément. Et la MAP qu'on tient, du coup, en fait, c'est vraiment dans cette logique-là, puisque c'est donc une coopérative de producteurs, ouais. qui, de 70 producteurs, voilà, qui font les paniers qu'on vend. Ouais. Et les prix. Donc les prix des paniers qui sont de 10 à 23 euros, c'est vraiment des prix qui n'ont pas été cassés ouais. pour le plus offrant. C'est vraiment des... C'est pour aider les producteurs autant que les étudiants, en fait. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez à votre petit casino de marché, votre petit casino de quartier, et que vous allez acheter vos légumes, il y a facilement 30% qui vont directement à la structure qui ne fait que les stocker et vous les redistribuer. Nous, on ne prend pas d'argent dessus. Oui, voilà, et je trouve que ouais, la MAP est... Enfin, c'est vraiment, pour moi, l'achat est un engagement politique et ça va vraiment dans le bon sens. Et c'est pour ça que chapeau, encore une fois. Non, et puis même, acheter des légumes moches, n'achetez pas des tomates toutes rondes et toutes rouges, on s'en fout parce qu'elles n'ont pas de goût. Hein, ouais, c'est de la flotte. Acheter des légumes peut-être qui sont pas beaux à voir, mais qui ont du goût et du caractère, qui viennent d'une terre qu'on connaît et pas spécialement de légumes cultivés hors sol, qui n'ont pas de goût, mais qui ont une belle forme et une belle couleur. On s'en contrefout, quoi. Ouais, voilà. J'ai l'impression, après, quand même, que ça se démocratise un tout petit peu. Mais ça reste dans un système qui n'est pas fait pour ça, quoi. Moi, en ce moment, je vois beaucoup de carottes de couleur. Alors, je trouve... Vous savez, il y a les fameuses carottes oranges qu'on connaît tous. Puis, il y a les jaunes et les violettes. Ouais, mais d'ailleurs, cette semaine, il y avait des carottes jaunes dans notre panier. Autant les oranges, je trouve que c'est un peu... C'est aussi intéressant de bouffer un morceau de plastoc. Mais alors, les violettes... Putain, ça défonce. Hein. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ça a carrément pas le même délire. Karel, on veut pas savoir ce que tu fais avec tes carottes. Si ça défonce, si c'est ton délire, on veut pas savoir, Karel. Comment je continue la suite? Parlez-moi de vos vacances en Bretagne, faites quelque chose. Mais... Ah, j'y suis allée, on a cassé la voiture de mes parents et on m'a piqué mon sac. Mais la police a retrouvé mon sac et ils vont me le renvoyer. Tu vois, franchement, elle a une capacité à la transition. À rebondir, c'est incroyable. Oui. Incroyable. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci. Et juste ce que je voulais rajouter aussi, en plus de cette démarche donc de... d'apporter de l'alimentation de qualité, ce qu'on essaie aussi vraiment de faire, c'est de créer une relation entre le producteur et les étudiants pour que ce soit plus un simple acte de consommation, mais qu'il y ait vraiment... une relation. Ouais, une relation, que ça devienne... un pote. Ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça. Un poteau. En tout cas, quelqu'un de concret qui existe dans notre pensée, quoi. Enfin, qui existe dans notre pensée. On les fait vraiment se rencontrer, en fait. C'est vraiment notre but. Parce que qui de nos jours a un agriculteur dans son environnement, quoi. C'est juste que ça existe. Wow. Bah, tu es une minorité. Tu es exceptionnel. Tu es minoritaire. Désolé de l'apprendre. Voilà. Merci. Il aime bien quand on lui dit qu'il est un peu unique. Enfin, on dit jamais unique. On dit qu'il est spécial. Mais lui, c'est pas unique. Chacun lit ça. Ce qu'il va entendre. Ma maman a dit que je suis spécial. Et ben du coup merci beaucoup pour la troisième fois peut-être. Pour la troisième fois, merci à vous. On va avec plaisir toujours. On va s'écouter un petit morceau. Lucas, qu'est-ce que tu nous mets? C'est toi le DJ ce soir. Bah du coup je l'ai tout de suite maintenant. On va s'écouter Dipodine de DJ Pone, feat Didai, sur l'EP Erratic Impulse. Oh, j'ai rien compris. Ouais, non plus. Voilà. il parle ouzbek en fait. Il parle ouzbek couramment. Et donc, on va s'écouter ce que t'as dit. Et c'est cool. Et en plus, c'est cool. Et c'est frais. Et c'est frais. Je peux dire que ça mange des légumes qui sont pas beaux à voir. Voilà. Ouais. Allez, on balance, s'il te plaît, Etienne, je t'en supplie. Sauve-moi. Il est fatigué. Et du coup, donc, après ce petit DJ Pod des familles bien cool, moi, on va passer sur une petite chronique 1, la même, là, depuis des années. On va vous présenter, je vais vous présenter les mix Hotel Cost. Alors, qu'est-ce que c'est donc ? Hôtel Coste, c'est un hôtel un peu rupin à Paris, bien sympathique, et ils font des playlists lounge, de l'électro-lounge, où on s'allonge. Pardon, excusez-moi, c'était une blague nulle. Mais du coup, comment dire, c'est un monsieur qui est derrière ça. Il s'appelle Stéphane Pompougnac, de son bon nom, né en 68, ce qui est quand même sacrément la classe, d'être né en 68. Il est DJ de lounge, donc jeunesse passée à Bordeaux. Il a commencé à mixer dans des clubs parisiens comme le Queen ou les Bains Douches. Cool. Et en 99, il est contacté donc par un des copropriétaires des Hôtels Coste, et il sort la première compile du coup Hôtel Coste sur son label. Du coup, le label s'appelle Pschent Music, P-S-C-H-E-N-T Music. Il en sortira donc 15 en tout, donc de 99 à 2011. Donc pour vous donner une petite idée, on va s'écouter First Class 77, sorti sur la première, sur le premier mix du coup d'Hôtel Coste. Bonne écoute. We'll be right back.

check, check, check, check, check.